cinquième, au vent, l'étendard flotte. Chapitre premier, question de porte. Oui, certes, je dois faire bien travailler mes méninges, et si leur activité peut être stimulée par un recours extérieur, non pour les asservir, mais afin de me rendre plus lucide, alors bienvenue cette aide. Ainsi Karim décide d'aller consulter l'habitant du paradis. Après un coup de téléphone pour connaître sa disponibilité, les deux amis sont dans le logement du vieillard, assis devant la même table, garnis des mêmes verres de thé à la menthe. « Alors, quelle nouvelle ?» demande Sylaphide. Karim l'informe sur la collaboration de Zara avec la police, puis décelé sur le local syndical. « Hé ! Les événements se précipitent !» commente le vieillard. « Nous sommes en présence d'un problème de porte. »« Deux portes ?» interroge Karim. « Oui. Une porte s'ouvre quand une autre se ferme. » La porte qui se ferme est celle du local syndical et la porte qui s'ouvre libère Zara de la police. Pour la fermeture du local, répond Karim, nous avons déjà trouvé une solution. Nous nous réunissons dans une maison privée ou au cours d'une pause durant le travail en attendant de convaincre un nombre suffisant de travailleurs pour former et imposer notre existence syndicale selon le diktat des autorités. Par contre, concernant Zara, j'ai longuement pensé, sans voir de solution. Tu n'as pas d'hypothèse ? Demande Sylaphide. « Si nous nous marions, Zara et moi, » répond Karim, « la révélation par la police de son passé à Annaba aura un effet négligeable, pour ne pas dire nul, car les gens savent que la police ment quand cela sert ses intérêts. » « Il reste, » objecte Sylaphide, « la menace de la police de révéler que Zara était une moucharde. Cependant, est-ce dans l'intérêt de la police d'agir ainsi, et même dans ce cas, qui croirait à ce que dirait la police ?»« Il me semble, » répond Karim, que l'important, le décisif, est le comportement présent et futur de Zara, d'autant plus qu'elle sera mon épouse. Ajoute, précise Sylaphide, que dans le quartier, tout le monde apprécie ton comportement et ta sagesse. Le vieillard prend son verre et boit quelques gorgées de thé, puis il suggère. Une fois mariée, toi et Zara, vu que ton salaire est limité, vous habiterez dans l'appartement de ta mère, je suppose, oui. Cependant, continue Sylaphide, ne faut-il pas trouver un travail à Zara, afin d'aider sa mère et son père pour les éviter la déchéance de la misère totale. Pour le travail, c'est plutôt difficile, comme tu le sais, avec tout le chômage dans le pays et le fait que Zara a peu d'atouts. C'est vrai. Donnons-nous la nuit pour réfléchir, puis retrouvons-nous demain soir, si tu es libre. Demain soir, je suis de garde de nuit à l'hôpital. Le matin ou l'après-midi, tu peux ? D'accord. 16 heures, ça va ? Oui.